me balle non maman. Le me bo bèche la tichou. Le me tête ni de pleur maman. Ouwa da kaga de nous non vete. Hier et soir m'dormi. Ouwa de la mort de moi non bien. Bon m'dra chez la tine non maman. Ouwa da kaga de nous non vete. Femme dodo. Pas à dormir. Où était ma terre? Mettez mon lait. Où est la femme de moi? Où va dévorer moi? Où était ma terre? Mettez mon lait. Où voy? En voy? Où voy? Oh, Love.